بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فها نحن في الدرس الخامس عشر من كتاب الصيام. Nous sommes donc au 15e cours dans l'explication du chapitre du jeûne. ووصلنا إلى آخر إلى الحديث الأخير من باب الصوم في السفر وغيره. Et nous sommes certes arrivés au dernier hadith du sous-chapitre lié au jeûne durant le voyage et autres. الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل قال لست مثلكم إني أطعم وأسقى ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. Selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la continuité du jeûne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la continuité du jeûne. On va voir plus tard ce que c'est que la continuité du jeûne. Ils dirent, les compagnons du prophète, ils dirent, certes, mais tu pratiques la continuité. Tu pratiques la continuité du jeûne. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pas comme vous. Certes, je suis nourri et abreuvé. Et ce hadith a aussi été rapporté par Abu Huraira, Aisha et Anas ibn Malik, radiallahu anhum. Et aussi dans le recueil de l'imam muslim selon Abi Sa'idin al-Khudri, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, alors celui d'entre vous qui veut... Celui d'entre vous qui désire pratiquer la continuité du jeûne, alors qu'il le fasse jusqu'au Sahar. Sahar, on l'avait déjà vu, c'est un moment un peu avant le Fajr. Et des savants ont dit que Sahar commence au milieu de la nuit et qui s'étend jusqu'à un peu avant le Fajr, etc. Ra'ayna sabiqan استحباب التعجيل في الفطر والتأخير في السحور. On a vu précédemment le caractère recommandé quant au fait d'accourir ou de se précipiter ou d'accourir dans la rupture du jeûne, de ne pas tarder pour la rupture du jeûne, mais on a vu aussi qu'il était recommandé de retarder es-suhur, donc le fait de se nourrir un peu avant le fajr, le fait de se nourrir donc pendant la nuit. Il est permis, donc il est recommandé de le faire tarder. Wala shakka anna hadha huwa al-afdal. Walakin law wasala al-insan fa lam yuftir ba'da dukhul al-layl, hal lahu dhalik? Et certes, il n'y a nul doute que c'est ce qui est le mieux à faire. Le fait de rompre dès que la nuit arrive et de faire tarder le suhur, le repas avant le fajr. Mais si une personne jeûne et ne va pas rompre après le début de la nuit, est-ce que il lui est permis de faire cela? هذه المسألة هي المشهورة بالوصال. Mais où al-wisal? Et ce sujet, c'est le sujet qui est connu par al-wisal, la continuité du jeûne. Et qu'est-ce qui est voulu par là? Qalatil ulama al-wisal an yattasila sawm al-yawm al-awwal bil-yawm al-thani min ghayri fitrin baynahuma. Les savants, ils ont dit, la continuité du jeûne, c'est le fait que le premier jour de jeûne soit lié au deuxième jour de jeûne, sans qu'il y ait de rupture entre les deux. La personne va donc jeûner deux jours d'affilée et la nuit qu'il y a entre les deux. La personne ne va pas rompre durant la nuit. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل واختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, il pratiquait al-wisal, il pratiquait la continuité dans le jeûne. Et donc, les savants ont divergé concernant cette pratique. فَذَهَبَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكَ إِلَى أَنَّ الْوِصَالَ مَكْرُوهٌ إِسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ وأيضا بقول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Et donc on a l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik, ils voient que la continuité dans le jeûne est détestable, pas interdite mais détestable. Ils se sont basés sur ce hadith qu'on vient de voir, le hadith donc qui est cité dans ce sous-chapitre. Mais ils se sont aussi basés sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, فَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Et donc mangez et buvez jusqu'à ce qu'apparaisse clairement pour vous la distinction entre le câble noir, c'est-à-dire la distinction qu'il y a entre le jour et la nuit. Et donc il dit, فَقَالُوا إِذَنْ أَلَّيْلُوا لَيْسَ وَقْتًا لِسْيَامُ. Et donc ils ont dit, la nuit ce n'est pas un moment pour jeûner. La nuit ce n'est pas un moment pour jeûner. Et donc il est détestable de jeûner à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit que ce n'est pas interdit? Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et donc ils n'ont pas dit que c'est interdit, mais ils ont dit que c'est déconseillé, c'est détestable. وذهب الإمام الشافعي وكذلك ابن حزم إلى تحريم الوصال واستدلوا بالأدلة نفسها. Et donc l'imam al-Shafi'i et ibn Hazm, ils voient que la continuité dans le jeûne est interdite. Et ils se sont basés sur les mêmes preuves. Les mêmes preuves, ils ont utilisé les mêmes preuves que Abu Hanifa et Malik. Sauf qu'ils ont dit que c'est interdit. وَقَالُوا أَيْضًا بِأَنَّ الْوِصَالِ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et ils ont aussi dit que la continuité dans le jeûne fait partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولكن لا يمكننا أن نقول إن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنه جاء أن الصحابة رضي الله عنهم واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد النهي كما في رواية أبي هريرة من حديث الباب في الصحيحين. Cependant, nous ne pouvons pas dire que la continuité dans le jeûne est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que il a été rapporté de façon authentique que les compagnons ont pratiqué la continuité du jeûne avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans la narration de Abi Hurayra radiyallahu anhu, de ce même hadith que nous étudions actuellement. Dans Sahihayn, an Abi Hurayra radiyallahu anhu qol, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil wisal, faqala lahu rijalun minal muslimin, innaka tuwasil. Donc dans Sahihayn, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit la continuité dans le jeûne. Alors des hommes parmi les musulmans dirent, certes, tu pratiques la continuité du jeûne, ô messager d'Allah. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu en disant, ayyukum mithli. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Le prophète a répondu en disant, « Lequel d'entre vous est comme moi ? Certes, je passe la nuit, et mon Seigneur, alors que mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. » فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُ الْهِلَالِ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرْ لَزِدْتُكُمْ. Ensuite, lorsqu'ils ont refusé d'arrêter la pratique de la continuité du jeûne, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué la continuité du jeûne un jour avec eux durant un jour. C'est-à-dire qu'il a jeûné, ensuite est arrivée la nuit et il a continué à jeûner pendant la nuit et le lendemain. Puis un autre jour, et donc là on est à 3 jours d'affilée. Puis ils ont vu la lune annonçant, le croissant lunaire annonçant la fin du mois de Ramadan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si celui-ci avait tardé, c'est-à-dire le croissant de lune, et donc si on avait encore un jour de jeûne en plus, si celui-ci avait tardé, je vous aurais rajouté. J'aurais continué encore donc à jeûner sans rompre. إذن الصحابة لم يفهموا من النهي عن الوصال أنه حرام. Et donc les compagnons, ils n'ont pas compris que ce qui est voulu par l'interdiction de la pratique de la continuité du jeûne, que c'est haram. Ils n'ont pas compris de cela, de cette interdiction, le fait que c'est totalement interdit. وإنما فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال رحمة بهم حتى لا يشق عليهم. Cependant, les compagnons, ils ont compris de cela que le prophète صلى الله عليه وسلم leur a interdit de jeûner par miséricorde envers eux, pour que ça ne soit pas trop difficile. Ce n'est pas parce que c'est interdit. Pourquoi ? Parce que si les compagnons avaient compris que c'est interdit, ils ne l'auraient pas fait. Les compagnons ne vont pas faire quelque chose d'interdit volontairement comme cela. En plus, avec le prophète, et derrière le prophète, il continue avec eux, alors que c'est interdit ? Donc non, les compagnons n'ont pas compris de cela l'interdiction. Et on ne peut pas dire que c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika, fi hadith al-bab, من رواية عائشة أنها قالت كما في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقال إنك تواصل الحديث. Et aussi donc ce même hadith, la version de Aïcha radiallahu anha dans Sahihain, dans les recueils de Bukhari et de Muslim, Aïcha radiallahu anha qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la continuité du jeûne par miséricorde envers eux. Elle dit bien, par miséricorde envers eux. Alors ils dirent, ô messager d'Allah, certes tu pratiques la continuité du jeûne. Le hadith jusqu'à la fin. Wa fi musnad al-imam Ahmad, an Abdirrahman ibn Abi Layla, an ba'd ashab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qal, إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والوصال في الصيام إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما. Et aussi dans le recueil de l'imam Ahmed rahimahullah, selon Abdurrahman ibn Abi Layla, selon un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici le compagnon n'a pas été cité, mais on a déjà vu précédemment que ce n'est pas grave. Cela, donc, ne fait pas de mal. Pourquoi ? Parce que les compagnons sont tous fiables. Et donc, selon un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit la pratique de la hijama pour le jeûneur, et a interdit aussi la continuité du jeûne. Et tout cela par bienveillance envers ses compagnons, mais il ne leur a pas interdit. Il n'a pas dit in lam yuharrimhuma. Il ne leur a pas interdit d'une interdiction formelle. Idan el qawlu bi tahrim al wisal marjouh. Et donc l'avis qui stipule que la continuité du jeûne est totalement interdite, cet avis-là est donc marjouh, est faible. El qawlu thalith, le troisième avis, qawlu l'imam Ahmed الجواز إلى السحر مستدلا بحديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. Et donc le troisième avis, l'avis de l'imam Ahmed rahimahullah, qui dit qu'il est permis de pratiquer la continuité du jeûne, mais cela jusqu'au sahar, c'est-à-dire jusqu'à un peu avant le fajr, mais on ne va pas lier vraiment les deux jours. Pourquoi ? Parce qu'il s'est basé sur le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui d'entre vous qui veut pratiquer la continuité du jeûne, alors qu'il le fasse jusqu'au Sahar. » Donc un peu avant le Fajr. « Wal-Qawl al-Rabi'a » Et donc le quatrième avis et le dernier, « Huwa al-Qawl bil-Jawazi mutlaqan » C'est l'avis qui dit que cela est totalement permis. Cela est totalement permis. Pourquoi ? Parce qu'il y a des compagnons qui ont fait la continuité du jeûne, etc. فَيْوَا صَحِيحْ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْوِصَالِ مَكْرُوهَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ Et donc, et l'avis le plus juste, إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى, dans ce sujet, c'est que la continuité du jeûne est détestable. La continuité du jeûne est détestable. Et ce, en rassemblant les preuves. En rassemblant les preuves, donc le prophète qui l'a interdit, mais ensuite il y a des éléments qui montrent que ce n'était pas une interdiction formelle, mais c'était une interdiction par miséricorde envers les compagnons, aussi par bienveillance envers eux, mais ce n'était pas pour dire que cela est haram, totalement interdit. وَأَمَّا قَالُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أن الله أطعمه وسقاه فليس المراد الطعام والشراب. Et donc en ce qui concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah l'a nourri et l'a abreuvé, il n'est pas voulu par là donc la nourriture et la boisson. إنما المراد ما أطعمه الله من لذة وقوة الإيمان والتقرب إليه بالطاعات وَأَعْتَاهُ كُوَّةً مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. Cependant, ce qui est voulu par là, c'est ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé comme délice et force de la foi. Et le fait de se rapprocher vers lui par les actes d'obéissance et de ce que Allah lui a donné comme force, comme la force de celui qui a mangé et qui a bu. Mais cela ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait et buvait réellement donc pendant la nuit. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et demain, bi'idnillah, on commence un nouveau sous-chapitre. Il nous reste encore 3 sous-chapitres à faire, si je ne me trompe pas, pour finir le chapitre du jeûne de Amnat al-Ahkam. On demande à Allah azza wa jal qu'il nous accorde la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.